إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ما بعد. Donc ceci est le 12e cours des cours tirés du livre du Cheikh Abdul Muhsin ibn Hamad al-Abbad حفظه الله تعالى، intitulé تبصير الناسك بأحكام المناسك، l'apprentissage des rites du pèlerinage. Lors du dernier cours, on avait terminé de parler du sa'i entre As-Safa et Al-Marwa. On avait entamé le chapitre du rasage et du raccourcissement. Du rasage et du raccourcissement des cheveux, et on avait entamé le chapitre de Al-Ihram pour accomplir le pèlerinage le 8e jour de Dhul-Hijjah, et on s'était arrêté au chapitre de la station de Arafat. On avait terminé de traiter le 4e point, le 5e point, Afwan. ثم قال المؤلف حفظه الله سادسا الأفضل للحجاج بعرفة أن يكونوا مفطرين لما في ذلك من القوة لهم على الذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. وأما غير الحجاج فالأفضل أن يصوموه وأما غير الحجاج فالأفضل أن يصوموه وهو أفضل يوم يصام تطوعا، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه، وفيه وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، رواه مسلم. وفي لفظ عنده صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. Donc le sixième point concernant le jour de Arafat, concernant la station de Arafat, il dit, hafidhahullah ta'ala, que ce qui est le meilleur à faire pour les pèlerins est qu'ils ne jeûnent pas ce jour-là, afin d'avoir la force nécessaire qui leur permettra d'évoquer Allah azawajal et de l'invoquer dans ce jour immense. Et ceci également, cela est meilleur pour eux de ne pas jeûner, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à Arafat, n'a pas jeûné. La preuve est le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Umm al-Fadl bint al-Harith, qui dit que des gens ont débattu en sa présence le jour de Arafat au sujet du jeûne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains disaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûne, et d'autres ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne jeûne pas. Alors, elle a alors envoyé un récipient de lait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était sur sa monture alayhi salatu wa sallam, et il a bu de ce récipient. Quant à ceux qui ne sont pas pèlerins, le mieux pour eux est de jeûner ce jour, et c'est le meilleur jour surérogatoire qui est jeûné. Le jour de Arafat est le meilleur jour surérogatoire que tu puisses jeûner. La preuve est le hadith de Abi Qatada radiyallahu anhu. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur le jour de Arafat. Et il a dit, yukaffiru sanat al-madiyata wal-baqiyah. Il expie les péchés de l'année antérieure et de l'année postérieure, de l'année passée et de l'année à venir. Hadith rapporté par Muslim dans son Sahih. Et ici, expier les péchés, cela concerne les petits péchés et non les grands, et ce sujet a été traité précédemment. Et dans une autre version, dans le Sahih de l'imam Muslim, il dit sallallahu alayhi wa sallam, le jeûne du jour de Arafat, j'espère auprès d'Allah qu'il expie, c'est-à-dire les péchés de l'année qui le précède et de l'année qui lui succède. سابعا يكون الوقوف في أي موضع من عرفة مستقبل القبلة ويكثر من التلبية والذكر والدعاء في هذا اليوم العظيم ويبتهل إلى الله ويحل في الدعاء ويلح في الدعاء ويسأله من خيري الدنيا والآخرة فيرضي ربه سبحانه ويدحر الشيطان ويخزيه ويريه من نفسه ما يسوءه ويحزنه وذلك بأن يتوب إلى الله توبة وذلك بأن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا يخرج بها من الذنوب والمعاصي ولا يشغل نفسه في هذا اليوم العظيم بالتجول في عرفة والذهاب إلى الجبل المسمى جبل الرحمة وصعوده لأنه لم يأتي دليل على ذلك. Septièmement, la station Arafat a lieu dans n'importe quel endroit de Arafat. Car dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa arafa kulluha mawqif » et Arafat entière est un lieu de station. Donc à partir du moment où tu es dans l'enceinte de Arafat, quel que soit l'endroit dans lequel tu te trouves, eh bien, tu es considéré comme faisant la station de Arafat. Donc le pèlerin reste à Arafat dans n'importe quel endroit de Arafat, en se dirigeant vers la Qibla, et en faisant beaucoup de talbiyah, en évoquant beaucoup Allah Azza wa Jal, et en l'invoquant également dans ce jour immense. Le pèlerin se doit également de s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala, et d'insister dans ses invocations et de demander à Allah Azza wa Jal les biens de cette vie d'ici-bas et de l'au-delà. Ainsi, il espère par ses évocations, par ses invocations, par ses rappels, par cette humiliation, par cette crainte de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et d'humilier le diable et de montrer au diable des choses qui lui porteront préjudice et qui l'attristeront. Ceci en se repentant à Allah Azza wa Jal d'un repentir sincère. Un repentir dans lequel il sortira des péchés et des désobéissances. Et le pèlerin ne doit pas s'occuper ce jour-là, pendant ce jour immense qui est le jour de Arafat, à visiter Arafat et à partir ou à visiter les différents endroits de Arafat. Notamment, il ne doit pas occuper son temps à se rendre à la montagne appelée Jabal al-Rahma, la montagne de la miséricorde, et d'y monter, car il n'y a aucune preuve sur cela. Et ainsi doit être le pèlerin. Donc ici, Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah, insiste sur le fait que le pèlerin doit profiter au maximum de sa présence dans cette terre de Arafat, pendant ce jour de Arafat. Et nul doute que les heures de Arafat, pendant le jour de Arafat, font partie des heures les plus précieuses de l'année. Des heures les plus précieuses dans l'année, ainsi le musulman et le pèlerin ne doit en aucun cas rater l'occasion de profiter de chacune des minutes de ces moments importants. ثامنا والوقوف بعرفة أعظم ملتقى للمسلمين في عباداتهم فيتذكر المسلم في هذا الوقوف اجتماع الخلائق يوم القيامة في الموقف الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون فيستعد لذلك الموقف بالأعمال الصالحة التي فيها فوزه بسعادة الدنيا والآخرة. Huitièmement, la station Arafat est le plus grand rassemblement des musulmans dans leurs adorations. Car le jour de Arafat, tous les pèlerins s'y trouvent. Le Arafat, la station Arafat étant, comme on l'a dit, un pilier du pèlerinage. Ainsi, tous les pèlerins se trouvent à Arafat, le jour de Arafat. Qu'ils soient qarin, qu'ils soient mufrid ou qu'ils soient mutamattir, ou qu'ils soient mutamattir. Et en voyant ce grand nombre de personnes et cet immense rassemblement des pèlerins dans ce lieu de Arafat, le jour de Arafat, le musulman se rappelle alors ce moment où l'ensemble des créatures seront réunies le jour du jugement dans une seule et même place, la place du rassemblement, dans laquelle Allah Azza wa Jal réunira les premiers jusqu'aux derniers, les premières jusqu'aux dernières des créatures. Ainsi, le pèlerin, en voyant cet immense rassemblement, se prépare à cet autre rassemblement le jour du jugement. Et il se prépare à accueillir ce jour, il se prépare à ce jour en adorant Allah Azza wa Jal à travers des actes vertueux et des actes pieux qui lui permettront de connaître la félicité dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Tasi'an, ورد في فضل يوم عرفة والوقوف بها قوله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها وورد في فضل الدعاء بعرفة قوله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو حسن لغيره انظر السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله وورد في رفع اليدين في الدعاء بعرفة حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كنت رذيف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى رواه النسائي بإسناد صحيح وليس للدعاء بعرفة أدعية مخصوصة بل يذكر الحاج ربه ويدعوه ويلبي ويقرأ القرآن وينبغي أن يكون ما يأتي به من الذكر والدعاء مما جاء في كتاب الله وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ما جاء فيهما من جوامع الكلم وفيه العصمة من الزلل والخلل ومن المناسب هنا إيراد جملة من الأدعية والأذكار مما ورد في كتاب الله وثبت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي مما ينبغي للمسلم أن يدعو به في وقوفه بعرفة ومزدلفة وطوافه وسعيه وسائر أحواله ويدعو أيضا بما شاء منها في صلاته في السجود وقبل السلام لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم وفيه ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا وأما الركوع فعظم فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صفة التشهد وفي آخره ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو رواه البخاري ومسلم قال الإمام أبو داود في سننه في باب الدعاء في الصلاة عقب الحديث قال أحمد يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن وليس هذا من قراءة القرآن في الركوع والسجود المنهي عنه، بل هو دعاء. فإن من قال في سجوده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أو ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي مثلا، من قال ذلك فهو داع وليس بقارئ. Puis il dit, hafidhahullah ta'ala, le neuvième point, concernant la station de Arafat, qu'il a été rapporté dans le mérite du jour de Arafat et le fait de s'y trouver la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas un jour dans lequel Allah Azza wa Jal épargne le plus ses serviteurs du feu de l'enfer que le jour de Arafat. Il n'y a pas un jour dans lequel Allah Azza wa Jal éloigne de l'enfer et préserve de l'enfer ses serviteurs que le jour de Arafat. Et il se rapproche. Wa innahu la yadnu. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal. Il se rapproche, ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةِ. Puis, il fait l'éloge de ces personnes auprès de ces anges. Et il dit, سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَا أَرَادَ هَؤُلَاء. Que veulent ces personnes? Et c'est un hadith rapporté par Muslim, selon Aïshata, radiyallahu ta'ala anha. Donc Allah Azza wa Jal se rapproche, لَا يَدْنُو. Et cela, conformément à sa majesté, subhanahu wa ta'ala, sans que nous fassions ressembler cela à ces créatures, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal se rapproche. Nous croyons en ce rapprochement d'Allah Azza wa Jal de ses serviteurs le jour du jugement, sans demander le comment. Et dans une autre version, Allah Azza wa Jal dit que ses serviteurs sont venus. Que veulent ses serviteurs? Ils sont venus à moi, shu'than, rubra, plein de poussière et les cheveux ébouriffés. Et ceci est une question dont la réponse est connue, bien sûr, que ces personnes viennent et se trouvent à Arafat en espérant la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, son pardon et sa satisfaction azza wa jal. Il est rapporté dans les mérites des invocations le jour de Arafat, la parole du prophète alayhi salatu wa salam, la meilleure des invocations est l'invocation du jour de Arafat. Et la meilleure parole que j'ai pu dire moi et les prophètes qui m'ont précédé est la ilaha illallah. وحده لا شريك له. Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, seul, point d'associé à lui. له الملك وله الحمد. À lui la royauté et à lui la louange. وهو على كل شيء قدير. Et il est capable de toute chose. Hadith rapporté par At-Tirmidhi dans ses Sunan, selon Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما. Et c'est un hadith jugé bon, comme l'a démontré Al-Sheikh l'Albani rahimahullah dans son livre immense As-Silsilatu As-Sahiha, la chaîne authentique. Il est rapporté dans le fait de lever les mains pendant les invocations de Arafat, car la sunnah est de lever ses mains pendant les invocations de Arafat. La preuve est le hadith de Usama ibn Zayd radiyallahu anhuma, qui dit, j'étais sur la monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa monture, à Arafat. Il a levé ses deux mains en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, sa chamelle a dévié, a tourné, et les rênes de la chamelle sont tombées. Les rênes, ce sont les deux sangles en cuir qui sont attachées à la bête ou à la monture afin de la maîtriser et de la diriger également. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur sa chamelle et levait ses deux mains, alayhi salatu wassalam, pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala le jour de Arafat. Sa chamelle a tourné et les rênes sont tombées. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a pris les rênes d'une main et a laissé l'autre main levée. Pour montrer à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains et cela était important pour lui alayhi salatu wa sallam, notamment le jour de Arafat, au point qu'il tenait les rênes avec une seule main et il levait l'autre main alayhi salatu wa sallam. Puis il dit, hafidhahullah, qu'il n'y a pas d'invocation précise à dire le jour de Arafat. Mais le pèlerin invoque son Seigneur subhanahu wa ta'ala, il fait la talbiyah, il lit le Coran et prononce les rappels et les invocations qui ont été rapportées dans le livre d'Allah et qui ont été rapportées dans l'authentique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Car ce qui est rapporté dans le Coran et la sunna fait partie de Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim, qui est notamment une des spécificités du prophète, alayhi salatu wassalam. Inni utitu Jawami'ul Kalim. Il m'a été accordé Jawami'ul Kalim. Qu'est-ce que Jawami'ul Kalim? C'est le fait de réunir en quelques mots de nombreux sens. De réunir en quelques mots de nombreux sens. Par exemple, parmi ces paroles alayhi salatu wassalam qui font partie de Jawami'ul Kalim, innama al-a'malu binniyat. Parmi ces paroles également alayhi salatu wassalam, ad-dinu an-nasiha. Et ainsi de suite, ainsi le fait de dire les évocations, les adhkar et les invocations rapportées dans le Coran et dans la Sunna, cela est méritoire car elles contiennent Jawami'ul Kalim et également ces invocations et ces rappels sont exemptes de toute erreur et de tout défaut. Puis il dit, hafidhahullah, et j'ai trouvé min al-munasib, j'ai trouvé convenable ici de citer un certain nombre d'invocations et de rappels qui ont été rapportés dans le livre d'Allah et qui ont été rapportés dans l'authentique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et il est recommandé aux musulmans d'invoquer par ces invocations lors de sa station à Arafat, mais également à Al-Muzdalifah, pendant son tawaf, pendant son sa'i et dans l'ensemble de ces situations. Il peut également invoquer parmi ses invocations dans sa prière, notamment pendant la prosternation et avant le salam. La preuve est le hadith d'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, rapporté dans le sahih de l'imam Muslim, dans lequel il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il m'a été interdit de lire le Coran, que ce soit en ruku' ou en sujoud. Il m'a été interdit de lire le Coran, que ce soit en état de ruku' ou de sujoud. Puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, quant au ruku', quant à l'inclinaison, immensifiez votre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et quant à la prosternation, accentuez dans les invocations faqaminun, qaminun ay hariyun, car cela est plus à même à ce que ces invocations soient exaucées. Faites en sorte de beaucoup invoquer pendant le sujoud, car c'est un moment propice à ce que vos invocations soient exaucées. Et dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le moment où le serviteur est le plus proche de son seigneur est lorsqu'il est أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. Et également la preuve est le hadith de Abdullah ibn Mas'ud. Donc ici, Cheikh Al-Abed a cité la preuve que l'on doit beaucoup invoquer Allah Azza wa Jal pendant la prosternation. Puis il cite la preuve avant le salam. La preuve est le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, dans la description du tashahud. Et à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبُهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُوا » Puis qu'il choisisse, donc après avoir terminé le tashahud, qu'il choisisse parmi les invocations celle qui lui plaise le plus et qu'il invoque par celle-ci. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et l'imam Abu Daoud dans ses Sunan, dans le chapitre de l'invocation pendant la prière, après avoir cité ce hadith, il a dit, rahimahullah, qala Ahmad, l'imam Ahmad a dit, je préfère pendant les prières obligatoires que l'on invoque avec les invocations présentes dans le Coran. Il dit, naam, dans les invocations présentes dans le Coran. Et cela ne fait pas partie de la lecture du Coran pendant l'inclinaison et la prosternation. On a vu que l'on ne lit pas le Coran ni pendant l'inclinaison ni pendant la prosternation. Et ici, l'imam Ahmed a dit, je préfère que les invocations pendant les prières obligatoires soient issues des invocations tirées du Coran. Or, est-ce que le fait de lire des invocations issues du Coran pendant le sujoud fait partie, entre dans l'interdiction de lire du Coran? La réponse est non, car c'est une invocation. Celui qui dit dans sa prosternation « Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri » « Oh Allah, apaise ma poitrine et facilite mon affaire » qui a invoqué cette invocation? Moussa, alayhi salam. Ou celui qui dit « Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li » « Oh Seigneur, j'ai offensé, j'étais injuste envers moi-même, pardonne-moi. » Celui qui dit ces invocations issues du Coran, il invoque, il n'est pas lecteur, il est invoqueur ou invocateur. On dit quoi? Il est invocateur et non lecteur. Il est invocateur et non lecteur. Puis le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala va citer un certain nombre d'invocations tirées du Coran et de la Sunna authentique, afin que le pèlerin puisse profiter de ces invocations et ces adhkars que le Cheikh cite, inshallah ta'ala, afin de profiter au maximum de ce jour de Arafat en invoquant le plus possible son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc inshallah ta'ala, je vais me contenter de les lire uniquement en arabe, car si on était amené à traduire chacun de ces rappels et chacune de ces invocations et d'apporter quelques commentaires dessus, eh bien on n'aura pas le temps de finir le livre et cela prendrait énormément de temps, d'autant plus qu'il y a des livres qui expliquent les adhiya, et notamment sur le site La Voix Droite, il y a la série de cours de notre frère Sadiq Abu Yahya qui traduit le livre Fiqh al-Ad'iyyati wal-Adhkar du Cheikh Abdurrazzaq al-Abbad hafizahullah ta'ala, et les cours sont disponibles sur le site lavoidroite.com. قال حفظه الله تعالى أدعية وأذكار من الكتاب والسنة الصحيحة يدعى بها في عرفة وغيرها. Il dit, حفظه الله, les invocations et rappels issus du Coran et de la Sunna authentique par lesquels on invoque, que ce soit pendant le jour de Arafat ou en dehors. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Donc ici dans cette première partie, le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala cite les formules d'éloge d'Allah Subhanahu wa Ta'ala issues du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela fait partie du comportement du musulman dans ses invocations. Lorsque tu invoques Allah Azza wa Jal, tu commences d'abord par faire les éloges d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et ensuite, tu invoques Allah Azza wa Jal, et cela fait partie des causes de l'exaucement. Cela fait partie de Asbab al-Ijabah. Et il y a une conférence entière sur comment invoquer Allah Azza wa Jal sur le site lavoiedroite.com également pour ceux qui veulent plus de détails sur ce sujet. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أنت اللهم نعم ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب زدني علما. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. Donc toutes ces invocations qu'a citées le Cheikh Hafizahullah sont les invocations issues du Coran, issues du Coran, des invocations par lesquelles ont invoqué les prophètes et envoyés d'Allah alayhimu salatu wassalam. Puis il va citer Hafizahullah les invocations rapportées dans l'authentique de la sunna du prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Cette invocation est appelée سيد الاستغفار, la formule maîtresse dans la demande de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est recommandé aux musulmans de dire tous les jours. Et il y a une conférence entière sur Sayyidul Istighfar sur le site lavoidroite.com. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وجدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقى وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا. نعم، سكول سوره على مسكي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برض العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي، اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، تعلم وأعوذ من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. ربي اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. ربي تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري. اللهم لك الحمد كله. اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. اللهم آمين. Dites Amin. Naam. Donc on voit que, alhamdulillah, dans le Coran et la Sunna, il y a Al-Kifaya. Après ce qu'on a lu là, qui est une partie de ce qui est rapporté notamment dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi bon aller acheter des livres dans lesquels il y a des invocations écrites par les êtres humains, alors que l'on a l'ample suffisance dans les invocations rapportées dans le Coran et dans la Sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف حفظه الله المبيت بمزدلفة. Puis il entame حفظه الله le chapitre de passer la nuit à المزدلفة, qui fait partie des obligations du pèlerinage. أولاً بعد غروب الشمس من يوم عرفة يتجه الحجاج إلى مزدلفة بهدوء وسكينة وبعد عن إيذاء بعضهم بعضا. فإذا وصلوا مزدلفة نزلوا بها، وعليهم التحقق من وصولهم إليها، لأنهم لو نزلوا في غير أرض مزدلفة حتى الصباح كانوا مفرطين بمبيتهم خارجها. وتعرف مزدلفة في هذا الزمان بوجود علامات كتبت عليها مبتدأ مزدلفة، وبوجود الأنوار القوية الإضاءة في أرض مزدلفة. Il dit, حفظه الله, premièrement, après le coucher du soleil du jour de Arafat, qui est le 9e jour. Donc lorsque le soleil se couche le 9e jour, qui est le jour de Arafat, les pèlerins se dirigent alors vers Al-Muzdalifah, et ceci en toute sérénité, en toute quiétude, et en ne se portant pas préjudice les uns les autres. Lorsqu'ils arrivent à Al-Muzdalifah, ils passent la nuit là-bas, en s'assurant bien sûr qu'ils sont bien dans l'enceinte de Al-Muzdalifah, car s'ils se trouvent dans une terre autre que la délimitation de Muzdalifa jusqu'au matin, ils auront alors commis une erreur. Muzdalifa est reconnue à notre époque par la présence de panneaux signalétiques qui signalent l'entrée et la sortie de la terre de Muzdalifa. Et également, la terre de Muzdalifa est connu également, peut-être reconnu, par la présence d'immenses projecteurs qui illuminent les différents endroits de Al-Muzdalifah. Thaniyan, أول عمل يقوم به الحاج بعد نزوله في مزدلفة صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء بأذان واحد وإقامتين لفعله عليه الصلاة والسلام سواء كان وصوله إليها في وقت صلاة المغرب أو بعد دخول وقت صلاة العشاء. ومن الخطأ ما يقوم به بعض الحجاج حين وصولهم مزدلفة من لقطتهم الحصى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلقت له الحصى إلا بعد انصرافه من مزدلفة إلى منى. Deuxièmement, la première chose que fait le pèlerin lorsqu'il arrive à Al-Muzdalifah est d'accomplir les prières de l'Maghrib et de l'Isha en les réunissant et en les raccourcissant, en faisant un seul appel à la prière, un seul adhan et deux iqamah. Un seul adhan et deux iqamah, car ainsi a fait le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et ceci, que qu'il arrive à l'heure du Maghrib ou qu'il arrive après l'heure de, ou qu'il arrive après l'entrée de l'heure de l'Isha. Et une erreur que font un certain nombre de pèlerins est que lorsqu'ils arrivent à Mina, ils commencent à prendre, lorsqu'ils arrivent à Afwan al-Muzdalifah, ils commencent à récupérer les pierres avec lesquels ils vont lapider, notamment la grande stèle Jamrat al-Aqaba, le lendemain matin. Ceci est une erreur, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a pris pour lui les pierres, et l'on verra par la suite que c'est Al-Fadl ibn Abbas qui a pris les pierres pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque le prophète alayhi sallatu wa sallam a quitté Muzdalifah pour se rendre à Mina. Un cas qui peut arriver lorsque le pèlerin tarde à Arafat. Lorsque le pèlerin tarde à Arafat et sait qu'il n'arrivera à Al-Muzdalifah qu'après la moitié de la nuit. Car l'heure de l'Isha s'étale jusqu'à la moitié de la nuit. Et cela peut arriver, et cela nous est déjà arrivé nous, lorsque à Arafat notamment, il y a un tirage au sort. Donc la particularité de Arafat le soir, c'est que tout le monde attend le coucher du soleil. Lorsque le soleil se couche, tout le monde se rend à Al-Muzdalifah. Et la plupart des pèlerins s'y rendent en bus, car entre Arafat et Muzdalifah, il y a une dizaine de kilomètres. Donc la plupart des gens s'y rendent en bus. Or, des bus qui transportent autant de monde en même temps ne suffisent pas. Donc il y a un système de tirage au sort qui est mis en place dans chaque district, par exemple, ou dans chaque groupement de tentes. Eh bien, chaque groupe est tiré au sort. Donc, par exemple, dans une tente où il y a 50 groupes, par exemple, de pèlerins, eh bien, il y a un tirage au sort qui va désigner chaque groupe et le numéro lui correspondant. Donc, si toi, tu as le groupe 5, tu as le numéro 50, par exemple, que tu es le dernier à quitter Arafat, le fait que le temps que les bus aillent à Muzdalifah, reviennent à Arafat, repartent à Muzdalifah, reviennent, etc., il est possible que tu n'arrives pas à Muzdalifah avant la moitié de la nuit. Dans ce cas, si tu sais que tu n'arriveras pas à Muzdalifah avant la moitié de la nuit, les prières de l'Maghrib et de l'Isha, tu les prieras à Arafat. Tu les prieras à Arafat, puis tu te rendras à Al-Muzdalifah. طيب ثالثا يبيت الحجاج ليلة يوم النحر بمزدلفة حتى الصباح كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم ذلك في واجبات الحج. ومن خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم، ولا يجوز طواف الإفاضة والرمي قبل نصف الليل، وليس لتلك الليلة عبادة مخصوصة تؤدى فيها من صلاة أو غيرها غير صلاة الوتر التي يأتي بها المسلم في ليالي العام. Troisièmement, les pèlerins passent la nuit du jour de Nahr, passent la nuit du jour de l'Eid, donc la dixième nuit, donc la nuit qui précède le dixième jour, à Al-Muzdalifa jusqu'au matin. Comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam, et l'on a vu précédemment que cela fait partie des obligations du pèlerinage. Quant à celui qui quitte Muzdalifa avant la moitié de la nuit, il devra sacrifier une bête. De même qu'il est interdit de faire le tawaf al-ifada ainsi que de lapider la grande stèle Jamrat al-Aqaba avant la moitié de la nuit. Et il n'y a pas d'adoration particulière à faire pendant cette nuit, que ce soit une prière ou autre que la prière, hormis la prière de l'ouitr que le musulman accomplit pendant l'ensemble des nuits de l'année. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait jamais la prière du ouitr, qu'il soit en voyage ou résident. Ceci est la règle. Et il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de hadith qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prié le ouitr la nuit de Al-Muzdalifa. Donc on reste sur la règle générale, sur le asl, qui est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait pas la prière du witr, qu'il soit résident ou voyageur. Alayhi salatu wassalam. Rabi'an, wa ba'da tulu'i al-fajr yusalli salat al-subh fi awwal waqtiha thumma yashtaghilu bil-dhikr wad-du'a ila an yusfira jidda lifi'lihi sallallahu alayhi wa sallam كما في حديث جابر الطويل، وقد قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والمشعر الحرام مزدلفة، لأنها داخل الحرم، وأما عرفة فهي مشعر حلال، لأنها خارج الحرام. Quatrièmement, après l'apparition de l'aube, ba'da tulu'i al-fajr, le pèlerin accomplit la prière du subh au début de son heure. Pourquoi est-ce qu'il accomplit la prière du subh au début de son heure? Afin de pouvoir s'occuper à évoquer Allah Azza wa Jal et à l'invoquer jusqu'à ce que l'horizon devienne très jaunâtre. Et l'horizon est très jaunâtre juste avant le lever du soleil. Le lever du soleil. Donc, le pèlerin, après avoir accompli la prière du subh au début de son heure, il invoque Allah Azza wa Jal et évoque Allah Azza wa Jal en se dirigeant en direction de la Qibla et en levant ses mains comme l'a fait le prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à ce que le soleil s'apprête à se lever. Comme cela, a été fait par le prophète alayhi salatu wassalam, comme le cite Jabir radiallahu anhu dans son long récit. Et Allah Azza wa Jal a dit dans son noble livre, selon le sens: et lorsque vous déferlez de Arafat, évoquez Allah au niveau de Al-Mash'ar Al-Haram et évoquez-le comme il vous a montré la bonne voie, or vous étiez auparavant parmi les égarés. Et Al-Mash'ar Al-Haram n'est autre que Muzdalifa. Al-Mash'ar al-Haram n'est autre que Al-Muzdalifa. Naam. Yarfa'u yadayhi. Naam. Ahsant. Naam. Donc il est dans un ajout, donc Cheikh Al-Abbad dans la dernière édition cite que il lève sa main de par l'unanimité des savants sur cela, comme cela a été précédemment cité dans le chapitre de As-Safa et dans le chapitre du Sa'i entre As-Safa et Al-Marwa, dans lequel le Cheikh a cité les différents endroits dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains. Et Al-Mash'al al-Haram n'est autre que Al-Muzdalifa. Wa jam'un kulluhu mawqif, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wa salam. Pourquoi est-ce qu'il a appelé Al-Mash'ar al-Haram? Car Muzdalifa fait partie de la terre sacrée. Muzdalifa fait partie de la terre sacrée. Parmi les différents endroits dans lesquels se rend le pèlerin, Mina, qui est une terre sacrée ou pas? C'est une terre sacrée. Arafat, qui n'est pas une terre sacrée. Et Muzdalifa, qui elle est une terre sacrée. Quant à Arafat, c'est un mash'ar halal, car elle se trouve, car Arafat se trouve à l'extérieur de la terre sacrée. خامسا وللضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن ينصرفوا من مزدلفة إلى منى في آخر الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بذلك لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم وحديث ابن عباس رواه البخاري رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها رواه البخاري ومسلم وحديث عائشة رضي الله عنها رواه البخاري ومسلم. Cinquièmement, il dit, hafidhahullah, et les faibles, parmi les femmes et les enfants et autres, ont le droit de partir de Muzdalifa pour se rendre à Mina vers la fin de la nuit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a permis cela. Et ceci, et cette permission du prophète sallallahu alayhi wa sallam est citée dans plusieurs hadiths, le hadith d'Abdullah ibn Umar, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le hadith d'Ibn Abbas, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le hadith d'Asma bint Abi Bakr, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et le hadith d'Aisha, radiyallahu anha, rapporté par Al-Bukhari et Muslim également. Et ici, Al-Sheikh Al-Abbad, hafidhahullah, dit, « fi akhiril layl, vers la fin de la nuit. » Car il y a certains savants qui disent que les femmes, les enfants et les faibles, parmi les personnes âgées également, ont le droit de quitter Muzdalifa après la moitié de la nuit. C'est l'avis de la majorité des savants. Car ils considèrent que après la moitié de la nuit, la personne est restée la majeure partie de la nuit à Al-Muzdalifa. Et d'autres savants disent que l'on quitte Muzdalifa vers la fin de la nuit, et notamment après les deux tiers. Après les deux tiers, et la preuve notamment est le athar de Asma bint Abi Bakr, auquel fait référence Cheikh Al-Abbad ici, dans laquelle elle scrutait la lune. Elle scrutait la lune, et lorsque la lune se couchait, elle quittait Muzdalifa. Donc elle quittait Muzdalifa, Asma bint Abi Bakr, après le coucher de lune. Et la nuit du dixième jour, la lune se couche vers la fin de la nuit, à peu près après les deux tiers de la nuit. Après les deux tiers de la nuit. Est-ce que c'est clair? Non. Naam, pour celui qui accompagne le faible, est-ce qu'il a le droit de partir avec le faible? C'est ça que ta question. Comment laisser le faible partir tout seul? Naam, le faible il a besoin d'accompagnement. Donc cela est autorisé, que celui qui accompagne des femmes ou accompagne des personnes âgées, il lui est autorisé de les accompagner. Pourquoi est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam a autorisé aux femmes et aux personnes faibles de quitter Al-Muzdalifa avant les autres, afin d'éviter la grande foule, afin d'éviter l'affluence de monde, notamment au niveau de la lapidation de la grande stèle, Jamat al-Aqaba, et notamment également au niveau du Tawaf et du Sa'i. Donc ceux qui quittent Al-Muzdalifa après la moitié de la nuit ou vers la fin de la nuit selon l'avis des savants, Le but est qu'il fasse le rami avant les autres. Et également qu'il fasse, si cela est possible, le tawaf et le sa'i, même avant le fajr. Même avant le fajr. Et les savants disent qu'il est autorisé à ceux qui accompagnent parmi ceux qui sont en bonne santé de le faire aussi. Car s'il leur est autorisé d'accompagner, il leur est aussi autorisé de faire ce que les personnes faibles parmi les femmes, les enfants et les personnes âgées ont le droit de faire, notamment de lapider la grande stèle avant le lever du soleil et de faire le tawaf et le sa'i également. طيب ثم قال حفظه الله اعمال يوم النحر puis il dit حفظه الله les actes accomplis le jour du sacrifice qui est le dixième jour de ذو الحجه et qui est le jour de عيد الاضحى اولا اعمال يوم النحر اربعه وهي رمي جمره العقبه ونحر الهدي او ذبحه وحلق الشعر الرأسي أو تقصيره وطواف الإفاضة والسعي بعده لمن كان عليه سعي وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب فإنه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف ويجمع أوائل حروف هذه الأعمال على الترتيب على هذا الترتيب كلمة رنحط فيضبط الحاج ترتيبها بترتيب هذه الحروف فالراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف والأولى فعلها على هذا الترتيب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم Les actes accomplis le jour du sacrifice. Premièrement, il dit, حفظه الله, les actes du jour du sacrifice sont au nombre de quatre. Ils sont premièrement, lapider la grande stèle. Nahrul hadi ou dhabhu. Je ne sais même pas comment traduire un nahre al-dhabh. Naam, on peut dire le sacrifice et l'égorgement. Le sacrifice du hadi ou son égorgement. Pourquoi? Car un hadi peut être, comme on a vu, une chamelle, un chameau, une vache ou des ovins ou des caprins. Or, le chameau, on ne l'égorge pas. On fait ce qu'on appelle un nahr. Le chameau, il est sacrifié en sectionnant les veines qu'il y a sur le côté de son cou, au bas du cou. D'accord? Ce n'est pas un égorgement comme on égorge une vache ou un mouton ou une poule par exemple. Donc le nahr concerne le chameau et la chamelle. Et ceux qui veulent plus de détails sur cela, qu'ils retournent à la conférence le sacrifice de l'Aïd de Aïd al-Adha qui est présente également sur le site lavoiedroite.com. Pour cela que Shir dit nahrul hadi ou dhabhu, que ce soit le sacrifice du hadi ou son égorgement. Tout dépend de la bête que le pèlerin sacrifie. Donc, les quatre actes sont, premièrement, lapider la grande stèle, sacrifier le hadi, raser les cheveux ou les raccourcir, et faire le tawaf, al-ifada, ainsi que le sa'i, après celui-ci, pour celui qui doit accomplir le sa'i. Car le qarin et le mufrid, s'ils ont accompli le sa'i après tawaf al-qudum, ils n'ont pas à l'accomplir après tawaf al-ifada. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli ses actes selon cet ordre. Il a d'abord sallallahu alayhi wa sallam lapidé la grande stèle, puis il a sacrifié, puis il s'est rasé, puis il a fait tawaf al-ifada. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il fait le sa'i? Non, car on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le sa'i après طواف القدوم إلى بروفيت عليه الصلاة والسلام a fait le pèlerinage قارنا. Et réunit ces différents actes selon, en respectant leur ordre, la parole ranhat, ranhat. Et le pèlerin qui apprend cette parole, les premières lettres de cette parole lui feront rappeler les actes du jour de Eid, le jour du sacrifice, dans leur ordre. Ranhat, la lettre ra, nun, ha et ta. La lettre ra pour le rami, la lettre nun pour le nahr, la lettre ha pour le halq, et la lettre ta pour le tawaf. Et le mieux est de faire ces actes dans l'ordre qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et bi'idhnillahi azza wa jal. Demain, inshallah ta'ala, ce sera normalement le dernier cours de ces cours sur l'apprentissage des rites du pèlerinage, inshallah ta'ala. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.